Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique. Klim Pareil est né en 1985 sous l'impulsion de Françoise Lefebvre et Christophe Petchanatz. Maître de la naïveté, du bizarre, du lunaire, pionnier de la toy music, pilier discret de l'underground français, Klim Pareil se multiplie en pièces courtes, instrumentales et enfantines depuis plus de 30 ans. Ce duo qui deviendra solo en 2002 se métamorphosera au fil des projets, accueillant des musiciens comme David Fenech, Denis Fragerman ou Madame Patate. Et c'est d'ailleurs avec celle-ci qu'il est venu nous rendre visite en notre studio 107 de la maison de Radio France. Klim Pareil sont les invités de cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez fondé Christophe Petchanatz en 1985, Klim Pareil, qui se présentait d'abord comme un duo, avant de devenir un solo et une sorte de collectif. Exactement, un duo pianistique surtout, avec quelques jouets en accompagnement. Et puis, séparation, divorce, la musique continue. J'étais toujours dans un travail solitaire, plutôt en studio. Et puis j'ai cédé un jour quand même à l'insistance de camarades qui m'incitaient à jouer live. Donc ce que j'ai essayé de faire, sachant que ce que je produis en live ne ressemble pas forcément de très près à ce que je produis à la maison, puisque à la maison c'est vraiment concocté au quart de millimètre, et là au contraire c'est un peu freestyle. Thank you. était la philosophie du projet à l'origine? Avant de faire Klimperer, je faisais de l'électropop, synthé, boîte à rythme. Et puis ma compagne n'était pas très intéressée par ce genre de musique-là. Puis j'en avais un peu fait le tour aussi. Elle étant pianiste, elle m'a sollicité en fait pour qu'on essaie de travailler ensemble. Et on était là vraiment dans les tout débuts de Klimperer sur de la composition de pièces pour piano à quatre mains. Madame Patate, bonjour. Bonjour. Comment vous avez intégré ce projet? Nous nous sommes rencontrés sur Internet et il s'avérait que je joue à Lyon, qu'il a écouté ma musique et qu'il trouvait ça intéressant ou sympathique. Et donc on a joué sans filet ensemble un concert en Lyon en 2007 ou quelque chose comme ça. 2007, oui. Voilà, donc vraiment il est venu, il m'a dit « Ok, je viens, j'improvise sur ta musique ». Et depuis, on ne s'est plus vraiment quitté. En tout cas, je suis son prétexte pour revenir sur la scène, finalement. Voilà. Quel instrument jouez-vous? Pas grand-chose de manière professionnelle. J'avais fait un peu de piano quand j'étais jeune. Et après, je joue beaucoup d'objets sonores, mais sans aucune prétention d'être vraiment musicienne. Alors Christophe, vous êtes également lancé dans l'édition à un moment donné. Oui. Notamment en publiant la revue Rectangle. Ouais, c'est vieux ça. Et les éditions Garenne. C'est vieux aussi. C'était quoi cette idée? Pourquoi d'ailleurs une édition? Parce que je suis aussi dans l'écriture, et puis étant dans l'écriture, je lisais d'autres, et puis je trouvais que d'autres méritaient, entre guillemets, d'être publiés. Voilà, c'était une époque différente, hein, il n'y avait pas d'internet, ou à peine les prémices, et donc beaucoup de choses se passaient par courrier, par photocopieuse, etc. C'était une belle époque, hein. Voilà, mais bon. Après, on passe à autre chose. L'espèce de ferveur et d'élan qui animait cette époque-là a un petit peu disparu. Votre démarche musicale repose beaucoup sur le jouet, le jeu presque. Est-ce que pour vous c'est un moyen de redécouvrir l'enfance ou plutôt de reconfectionner une enfance ? Alors, comme vous avez pu le constater, j'utilise de moins en moins les jouets. Je me repose sur Émilie. J'ouvre une petite parenthèse pour Émilie quand même. Donc Émilie passe son temps à dire qu'elle ne sait pas jouer, qu'elle ne joue pas bien, etc. Et en même temps, c'est vraiment pour moi un élément, elle est très rassurante. C'est-à-dire qu'en sa présence, je me sens... solide, ce qui n'est pas forcément le cas quand je suis seul. Voilà. J'en reviens sur les jouets. Les jouets, ça a été un moment et j'ai tendance à m'en éloigner pour des tas de raisons. D'abord pour le côté cliché, c'est-à-dire que voilà, Klimper High, on attend les jouets, on attend la musique pittoresque, etc. Et bon, on n'a pas forcément envie de faire ça toute sa vie. Et puis l'autre dimension, c'est que je cherche à voyager léger de plus en plus et donc à ne plus trimballer des caisses de matériel et de petites choses. Alors on classe parfois dans le rayon des aventuriers sonores. Ça vous plaît cette appellation ? Ah bah oui, bien sûr. Vous avez beaucoup enregistré. Et qu'est-ce que ça représente pour vous l'enregistrement ? Un rêve d'enfance. Je suis né et j'ai grandi dans une famille relativement peu cultivée. Je dis ça sans haine. Mais voilà, donc il n'y avait pas de musique et pas de livres à la maison. Et un jour j'ai découvert la musique par la radio. Et là c'était une révélation. Du rock'n'roll, j'avais jamais entendu ça de ma vie et je me suis dit, voilà, j'avais, je sais pas, 8 ans, 9 ans, je me suis dit, ça je ferai ça un jour. Alors j'ai pas fait exactement la même chose. Et il y avait aussi fortement le fantasme de l'objet physique du disque et notamment du vinyle. Manque de chance, quand j'ai commencé à éditer des choses, c'était sur CD. Coup de bol, le vinyle est revenu et j'ai édité quelques vinyles récemment plutôt. Thank you. vous êtes montré très longtemps réticent face au concert. Oui, oui, oui, je le suis toujours en fait. C'est-à-dire que quand on est un petit peu obsessionnel et qu'on a envie de faire des trucs au millimètre, ce que je fais très bien à la maison parce que je peux passer 2 jours sur 4 mesures, mais qu'en même temps je suis assez paresseux, je ne travaille pas beaucoup les instruments, j'ai pas une excellente mémoire, tout ça mis bout à bout fait que la prestation live n'est pas du tout du même genre. J'ai tendance à privilégier plutôt l'improvisation, le déséquilibre. Voilà, on a vu, hein, il se passe des choses qui ne sont pas toujours prévues. Pour moi, c'est vraiment 2 dimensions complètement différentes, mais ça me coûte énormément de jouer live. Ça me demande énormément d'énergie. Et je suis pas toujours content de moi, même pas souvent, mais en même temps, aujourd'hui, ça paraît plus facile pour diffuser sa musique que, enfin, pas plus facile, nécessaire même, de jouer en public parce que les gens n'achètent plus de disques. Enfin, ça s'est complètement dématérialisé. Et que voilà, il y a une partie de ce qui était mon panthéon, je dirais, musical et sonore, qui n'existe plus vraiment. Vous avez eu également une carrière japonaise. Oui, carrière japonaise avec Madame, et on y retourne cette année en novembre. Et voilà, c'était de la folie. Comment vous expliquez cette reconnaissance japonaise? C'est une vieille histoire, mais c'est une affaire de réseau. C'est-à-dire que le premier CD de Klimperei a été produit chez le label Aya, qui lui-même a été distribué au Japon par Locus Solus, qui a fait un gros boulot de promotion, mais qu'on ignorait. J'avais été sollicité dans les années 2000 par les gens du label Novel C'est le Poème, qui a publié plusieurs disques de Klimperei, pour venir au Japon. À l'époque, je me sentais absolument pas prêt, et ma compagne Françoise n'avait pas envie. Bon. Donc ça a été remis. Et puis 2014, je crois, nouvelle proposition. Et puis ben là, je suis bien embêté, parce que j'ai quand même envie, mais ben, pas tout seul. Et donc je demande à Madame, qui était ravie, qui était plus que ravie. Et voilà, ça s'est vraiment bien passé. C'était très chouette, le public était excellent. Et c'était une belle petite aventure, comme on dit. Je ne veux pas vous écouter, vous écouter. Je ne veux pas vous écouter, vous m'entendez. Ça vous dérange, ça vous dérange. Je n'y peux rien, je n'y peux rien. Page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique. Thank you. parlez-nous un peu de la session d'aujourd'hui que vous avez réalisée ici au Studio 107. Alors aujourd'hui c'est un mélange de morceaux de Madame Patate et de moi-même. C'est des morceaux qui sont retaillés pour être joués live et pour être assez minimaux. J'ai tendance à aller de plus en plus vers le moins. C'est des morceaux, pour certains morceaux on les triture depuis des années, on les joue jamais de la même façon, puis il y a des nouveautés. Chacun travaille dans son coin, on s'envoie des trucs, on tape un peu dans le répertoire aussi, qui est le mien. De l'un et de l'autre. Voilà, moi j'ai des centaines de morceaux qui sont, voilà, autant de temps en temps les jouer. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci pour l'invitation. Je vous dis à bientôt. Qui sait ? I don't know. Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique étaient Romain Lenoir, Valérie Lavalard et Pierre-Henri. Attaché de production, l'incontournable Soizic Noël. Réalisateur, Bruno Rioux-Maillard. Et il est l'heure maintenant de retrouver Anne Montaron et sa création mondiale.